Unité 35. Conversation. Écoutez. À qui le tour? C'est à moi. J'étais avant vous, madame. Qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais 1 kilo d'oranges. Lesquelles? Vous avez celle-ci à 5,40 francs et celle-là à 8 francs. Lesquelles me conseillez-vous? C'est pour faire des jus d'orange. Alors prenez celles-ci. Elles sont très juteuses. Voilà. C'est tout? Non. Je voudrais encore des bananes et des poires. Combien en voulez-vous? Je voudrais 6 bananes et 1 kilo de poire William. Répétez. 1. À qui le tour? 2. C'est à moi. J'étais avant vous, madame. 3. Qu'y a-t-il pour votre service? 4. Je voudrais 1 kilo d'oranges. 5. Lesquelles? 6. Vous avez celle-ci à 5,40 francs et celle-là à 8 francs. 7. Lesquelles me conseillez-vous? C'est pour faire des jus d'orange. 8. Alors prenez celles-ci. Elles sont très juteuses. 9. Voilà. C'est tout? 10. Non, je voudrais encore des bananes et des poires. 11. Combien en voulez-vous? 12. Je voudrais 6 bananes et 1 kilo de poire William. Répondez, répétez. 13. À qui le tour? 14. C'est à moi. J'étais avant vous, madame. 15. Qu'y a-t-il pour votre service? 16. Je voudrais 1 kilo d'oranges. 17. Lesquelles? 18. Vous avez celle-ci à 5,40 francs et celle-là à 8 francs. 19. Lesquelles me conseillez-vous? C'est pour faire des jus d'orange. 20. Alors prenez celles-ci. Elles sont très juteuses. 21. Voilà. C'est tout? 22. Non, je voudrais encore des bananes et des poires. 23. Combien en voulez-vous? 24. Je voudrais 6 bananes et 1 kilo de poire William. Écoutez. Qui vient de sonner? C'est Marie. Que voulait-elle? Elle venait dire que ses parents ne viendront qu'à 20h30. Pourquoi? Ils ont dû aller conduire un de leurs amis à la gare pour le train de 20h. Répétez. 25. Qui vient de sonner? 26. C'est Marie. 27. Que voulait-elle? 28. Elle venait dire que ses parents ne viendront qu'à 20h30. 29. Pourquoi? 30. Ils ont dû aller conduire un de leurs amis à la gare pour le train de 20h. 31. Répétez. 31. Qui vient de sonner? 32. C'est Marie. 33. Que voulait-elle? 34. Elle venait dire que ses parents ne viendront qu'à 20h30. 35. Pourquoi? 36. Ils ont dû aller conduire un de leurs amis à la gare pour le train de 20h. Écoutez. Combien de temps vous faut-il pour arriver à Aix? Il me semble que la dernière fois, nous avons mis 5 heures. La maison sera chauffée? Non. Celle qui arrivera la première allumera le chauffage et ira faire les commissions. Qu'y aura-t-il d'autre à faire? Il faudra sans doute faire un peu de ménage. La maison est fermée depuis 3 mois. Et vous, quand comptez-vous arriver? Je ne sais pas à quelle heure Philippe sera libre. Vous venez par le train ou en voiture? Par le train. Nous essaierons d'avoir celui qui part à 16h15, mais ce n'est pas sûr. Vous resterez jusqu'à quand? Jusqu'au 2 janvier. Les enfants reprennent l'école le 3. Répétez. 37. Combien de temps vous faut-il pour arriver à Aix? 38. Il me semble que la dernière fois, nous avons mis 5 heures. 39. La maison sera chauffée? 40. Non. Celle qui arrivera la première allumera le chauffage et ira faire les commissions. 41. Qu'y aura-t-il d'autre à faire? 42. Il faudra sans doute faire un peu de ménage. La maison est fermée depuis 3 mois. 43. Et vous, quand comptez-vous arriver? 44. Je ne sais pas à quelle heure Philippe sera libre. 45. Vous venez par le train ou en voiture? 46. Par le train. Nous essaierons d'avoir celui qui part à 16h15, mais ce n'est pas sûr. 47. Vous resterez jusqu'à quand? 48. Jusqu'au 2 janvier. Les enfants reprennent l'école le 3. Répondez, répétez. 49. Combien de temps vous faut-il pour arriver à Aix? 50. Il me semble que la dernière fois, nous avons mis 5 heures. 51. La maison sera chauffée? 52. Non. Celle qui arrivera la première allumera le chauffage et ira faire les commissions. 53. Qu'y aura-t-il d'autre à faire? 54. Il faudra sans doute faire un peu de ménage. La maison est fermée depuis 3 mois. 55. Et vous, quand comptez-vous arriver? 56. Je ne sais pas à quelle heure Philippe sera libre. 57. Vous venez par le train ou en voiture? 58. Par le train. Nous essaierons d'avoir celui qui part à 16h15, mais ce n'est pas sûr. 59. Vous resterez jusqu'à quand? 60. Jusqu'au 2 janvier. Les enfants reprennent l'école le 3. Écoutez. Qu'est-ce qui t'amuse tant? Si tu savais ce que je viens de trouver. Comment pourrais-je le savoir? Figure-toi que je viens de trouver des lettres que papa écrivait à maman. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ce sont des lettres qu'il lui écrivait quand ils étaient fiancés. On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas lire le courrier des autres? Tu parles? J'ai trouvé ces lettres dans la boîte où il y a des photos. Regarde les photos de leur mariage. Tu les avais déjà vues? Oui, grand-mère me les avait montrées un jour où j'étais malade. Qui c'est celui-ci? Mais voyons, c'est l'oncle Marcel. Répétez. 61. Qu'est-ce qui t'amuse tant? 62. Si tu savais ce que je viens de trouver. 63. Comment pourrais-je le savoir? 64. Figure-toi que je viens de trouver des lettres que papa écrivait à maman. 65. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? 66. Ce sont des lettres qu'il lui écrivait quand ils étaient fiancés. 67. On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas lire le courrier des autres ? 68. Tu parles ? J'ai trouvé ces lettres dans la boîte où il y a des photos. 69. Regarde les photos de leur mariage. Tu les avais déjà vues ? 70. Oui, grand-mère me les avait montrées un jour où j'étais malade. 71. Qui c'est celui-ci ? 72. Mais voyons, c'est l'oncle Marcel. Répondez, répétez. 73. Qu'est-ce qui t'amuse tant ? 74. Si tu savais ce que je viens de trouver. 75. Comment pourrais-je le savoir ? 76. Figure-toi que je viens de trouver des lettres que papa écrivait à maman. 77. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? 78. Ce sont des lettres qu'il lui écrivait quand ils étaient fiancés. 79. On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas lire le courrier des autres ? 80. Tu parles ? J'ai trouvé ces lettres dans la boîte où il y a des photos. 81. Regarde les photos de leur mariage. Tu les avais déjà vues ? 82. Oui, grand-mère me les avait montrées un jour où j'étais malade. 83. Qui c'est celui-ci ? 84. Mais voyons, c'est l'oncle Marcel. Écoutez. À qui est ce livre ? À moi. C'est l'avare de Molière. Tu es en train de l'étudier en classe ? Oui, nous allons commencer. Pour demain, j'ai sa biographie à apprendre. Veux-tu que je te pose des questions ? Si tu veux. Où et en quelle année est né Molière ? À Paris en 1622 et il est mort en 1673. Quelles sont les pièces principales qu'il a écrites ? Les femmes savantes, le misanthrope, l'école des femmes, le malade imaginaire. Molière écrivait seulement des pièces ? Non, c'est lui qui dirigeait sa troupe. C'est lui aussi qui jouait les rôles importants. Répétez. 85. À qui est ce livre ? 86. À moi. C'est l'avare de Molière. 87. Tu es en train de l'étudier en classe ? 88. Oui, nous allons commencer. Pour demain, j'ai sa biographie à apprendre. 89. Veux-tu que je te pose des questions ? 90. Si tu veux. 91. Où et en quelle année est né Molière ? 92. À Paris en 1622 et il est mort en 1673. 93. Quelles sont les pièces principales qu'il a écrites ? 94. Les femmes savantes, le misanthrope, l'école des femmes, le malade imaginaire. 95. Molière écrivait seulement des pièces. 96. Non, c'est lui qui dirigeait sa troupe. C'est lui aussi qui jouait les rôles importants. Répondez, répétez. 97. À qui est ce livre ? 98. À moi. C'est l'avare de Molière. 99. Tu es en train de l'étudier en classe? 100. Oui, nous allons commencer. Pour demain, j'ai sa biographie à apprendre. 101. Veux-tu que je te pose des questions? 102. Si tu veux. 103. Où et en quelle année est né Molière? 104. À Paris en 1622 et il est mort en 1673. 105. Quelles sont les pièces principales qu'il a écrites? 106. Les femmes savantes, le misanthrope, l'école des femmes, le malade imaginaire. 107. Molière écrivait seulement des pièces? 108. Non, c'est lui qui dirigeait sa troupe. C'est lui aussi qui jouait les rôles importants.